19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Elle est encore peu connue face à ses deux grandes rivales que sont les grottes de Lascaux et Chauvet. Et pourtant, elle possède tous les ingrédients pour devenir un des grands joyaux de la préhistoire en Europe occidentale, un maillon clé dans l'évolution de la pensée de l'homme moderne. La grotte de Cussac, cachée en contrebas d'un plateau périgourdin, détient tout pour entrer dans l'histoire, la grande histoire. Une incroyable découverte faite par un passionné, discret aventurier du monde souterrain, des œufs pariétales à couper le souffle, mais plus encore, fait unique au sein des espaces cavernicoles, Cussac renferme un double sanctuaire, puisque des hommes, voici 30 000 ans, sont venus y enterrer leurs congénères. Découverte voici 20 ans, Cussac m'évoque plus que des souvenirs. Une conférence de presse à la préfecture de Périgueux, au petit matin d'une journée orageuse de l'été 2001, en présence du découvreur, Marc Deluc, et d'amis préhistoriens. Puis 2 ans plus tard, la visite initiatique, une longue plongée sous terre, par un étroit boyau, le tunnel, dans lequel les épaules sont écrasées par le poids de la colline, pour enfin déboucher sur un méandre de salles et de galeries, aux extraordinaires gravures. La grotte de Cussac, sa longue plongée sous terre et dans le temps, est plus qu'une émotion, puisque l'on en ressort marqué à tout jamais. Ce soir, le magazine d'archéologie de France Culture se consacre à cette grotte, mais aussi aux 20 années de recherche qui y sont entreprises, avec Jacques Jobert. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Merci d'être ce soir au téléphone et en direct. Habitué du magazine d'archéologie de France Culture, Jacques Jobert, vous êtes professeur de préhistoire à l'université de Bordeaux 1. Et copublié aujourd'hui un bel ouvrage intitulé « Grotte de Cussac, moins 30 000 » aux éditions Confluence. Jacques Jobert, ce qui m'intéresse, c'est bien entendu de percevoir les enjeux scientifiques et patrimoniaux d'une telle grotte. Mais l'histoire, celle de la découverte, est trop belle pour ne pas être contée. Oui, en effet, la découverte de Cussac est assez emblématique et on y consacre de larges pages dans le début de l'ouvrage pour raconter cette historique qui est remarquable avec Marc Deluc comme inventeur. Alors, Marc Deluc sent un courant d'air, c'est bien ça? Remettez-nous en condition donc dans cette année 2000. Ben, comme tout spéléologue intéressé par la découverte de nouvelles grottes, ils ont des indices, les spéléologues. Hein, par période froide ou neigeuse, on distingue une différence thermique entre l'extérieur et l'intérieur. S'il fait froid à l'extérieur, un courant d'air chaud souffle et ça dégage un petit peu la neige, ça la fait fondre. En période d'été, c'est l'inverse et c'est un courant d'air froid qui peut se manifester, la présence d'un karst, d'une grotte, d'une cavité. Et donc là, on commence une désobstruction et c'est ce qu'a fait Marc. Il connaissait le secteur, hein, il prospectait depuis assez longtemps, avec plusieurs amis du spéloclub de Périgueux, et il a commencé une désobstruction, il l'a fait en plusieurs fois, et donc il a fini par rentrer tout seul, presque au péril de sa vie, parce qu'il y a vraiment un éboulis qui est très dangereux et qu'il a franchi, et il est arrivé dans une grotte qu'il savait ne pas avoir été pénétrée depuis des milliers d'années. Ce que découvre Marc Deluc le 30 septembre 2001, c'est une grotte vierge, de toute présence humaine, depuis 30 000 ans, une grotte obstruée intentionnellement par l'homme préhistorique. Alors ça, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui est très intéressante, mais qui n'est pas totalement, enfin, qui n'est même pas du tout vérifiée. C'est une hypothèse plausible. On a eu des discussions assez vives récemment avec nos collègues géologues là-dessus. On n'a pas encore les éléments pour le démontrer. Il y a des indices qui nous, enfin, plus que des indices, hein, plus que concordants, qui nous montrent que cette grotte n'a pas été pénétrée par l'homme, ni par des grands carnivores, ni par les animaux fouisseurs, autres ce qu'on appelle la méso, la microfaune, quelques fouines, des renards ou des petites espèces comme ça. Mais il n'y a pas eu de pénétration de cette grotte une fois que les hommes en sont sortis. Alors, ils en sont sortis, l'ont-ils condamné? C'est possible, mais archéologiquement, on ne peut pas le démontrer. Et pour plusieurs raisons, l'une de ces raisons, c'est que l'éboulis qui obstrue la grotte a été en partie démonté par Marc Deluc pour faire sa désobstruction. Et donc, on n'a plus la topographie d'origine pour essayer de retrouver cette espèce de condamnation, si condamnation il y a eu. Il y a une ou deux entrées? Bonne question. La plupart des grottes ornées ont cette espèce de privilège de pouvoir avoir deux, voire trois entrées. À Cussac, il y a trois entrées possibles, trois accès possibles. Pour le moment, il y en a une qui est vérifiée, c'est l'accès actuel. Les deux autres sont quasiment impossibles parce que les terminus, puisqu'en fait, quand on rentre dans la grotte, soit on va vers la gauche, on appelle ça la branche aval, soit on va vers la droite, on appelle ça la branche amont. D'un côté, c'est 1 kilomètre, 1040 mètres exactement, et de l'autre, c'est 560 mètres, et non pas 495 comme on l'écrit dans le livre. Et donc, c'est une grotte qui fait 1,6 km. Et à ces deux terminus, on a soit des éboulements entièrement concrétionnés, calcités, et donc ce sont des possibilités d'anciennes entrées, mais totalement modifiées par la géologie. D'un côté, c'est absolument impossible, la configuration l'empêche, un côté amont, mais côté aval, il n'est pas impossible qu'il y ait un orifice qui ait pu être colmaté. On travaille là-dessus, c'est difficile, parce que Cussac est un site très très grand, et la partie aval est difficile d'accès dans ce terminus. On a quelques indices qui nous montrent qu'il y a des petits apports sédimentaires qui viendraient de l'extérieur côté aval. Il faut qu'on travaille là-dessus encore. Le découvreur Marc Deluc l'a écrit. Je pris conscience du privilège qui m'était accordé, celui sacralisé depuis la nuit des temps. J'ai eu aussi ce sentiment, comme Jean Rouault prit Goncourt, qui a écrit de très belles pages sur ce sujet. Qu'en est-il pour vous, Jacques Jobert? Vous êtes un habitué, vous? Oui, on n'est jamais habitué à des sites aussi prestigieux, aussi uniques, Chauvet, Causquer, Bruniquel, sur lequel je travaille aussi, et maintenant Cussac. Oui, forcément, je le dis, je le répète, et c'est une la palissade, ce sont d'immenses privilèges que de pouvoir y travailler, et en plus de coordonner des études avec des collègues qui me sont chers. C'est bon. Après, ce sont des dossiers assez compliqués. C'est un privilège de travailler dans des grottes comme Cussac, mais c'est aussi un défi. C'est un défi par rapport à la documentation, au potentiel documentaire d'un site comme Cussac, et donc aussi à la difficulté des objectifs scientifiques qu'on doit développer, qu'on doit décliner, à des équipes assez pléthoriques. Cussac, il y a pratiquement une cinquantaine de chercheurs qui sont venus à un moment donné ou un autre, travailler scientifiquement dans Cussac. Après, il y a le cœur de l'équipe, une douzaine de personnes, ils travaillent chaque année, et puis deux, trois collègues un petit peu plus lointains qui viennent ponctuellement juste pour quelques analyses ou prélèvements. Cussac s'avère un tournant dans la gestion des découvertes des grottes ornées. Après les improbables affaires de droit des grottes Causquer puis Chauvet, Cussac va être enfin un dossier apaisé entre découvreurs, inventeurs, archéologues et État? Ah oui, j'adore cet adjectif. Apaisé, c'est tout à fait juste. Non seulement apaisé, mais surtout très bien maîtrisé. Et je ne cesse, quand je suis interrogé ou interpellé sur cette histoire de la découverte et des quelques semaines qui ont suivi la découverte, de l'annonce de la découverte, de faire la promotion de ceux qui ont parfaitement maîtrisé le dossier. Dany Barraud, Jean-Michel Genest et après eux, Nathalie Fourmand, tous nos collègues de la DRAC, du ministère de la Culture. On dit pique-pendre parfois de l'administration, de ses lenteurs, de son inertie, mais là, le dossier a été très très bien géré. Et en plus, on avait un cas de figure très compliqué avec 14 propriétaires, Chauvet je crois qu'il y en a 3 ou 4, 14 propriétaires différents, donc il a fallu négocier avec eux, les convaincre de l'intérêt, puis aller à une acquisition foncière par l'État, tout en protégeant, tout en lançant les premières études, mais sans lancer l'étude scientifique qui, elle, n'a démarré qu'un petit peu plus tard. Tout ça a été extrêmement bien géré. Et puis, Marc Deluc n'a jamais voulu donner son nom. Ça, c'est quelque chose aussi de très important. Eh bien oui, à Cussac, on joue dans la modestie. Enfin, quelques-uns d'entre nous, on essaye de rester sur ce créneau de la modestie de l'inventeur. Non seulement il a pas souhaité donner son nom, mais surtout, enfin, non seulement grâce à lui on connaissait une grotte fabuleuse, mais il nous a accompagnés scientifiquement. Je dis et je répète qu'on ne peut pas travailler, on ne pouvait pas travailler dans Cussac sans Marc Deluc. Norbert Oujoula me l'avait expliqué. Il avait souhaité que Marc soit associé à l'équipe, mais moi j'étais complètement persuadé de cette nécessité. Et Marc, qui connaissait par cœur cette grotte, a accompagné, enfin jusqu'à son décès, hélas assez récent, a accompagné l'équipe scientifique et surtout l'équipe TRAC, ceux qui traquent qui est inventorié, qui prospecte les moindres indices de passage des zones des animaux. Et ça, Marc, en tant que spéléologue, connaissait très bien sa grotte et avait beaucoup d'avance sur nous qui ne faisons qu'apprendre cette cavité depuis une douzaine d'années. Je l'ai dit, Jacques Jobert, la grotte était vierge. On y perçoit donc des traces infimes mais capitales. Excusez-moi, j'ai pas entendu la question. Je l'ai dit, la grotte était vierge. On y perçoit donc des traces infimes mais tout à fait capitales. Oui, des traces. Cussac, avec ses grottes nouvelle génération, celles qui n'ont pas été ouvertes trop tôt au public, sont incroyablement bien préservées. Donc on a en paroi de l'art, on a des traces de passage, des traces de matière colorante, des traces de charbon, et puis on a au sol des empreintes des ours. Les ours sont les premiers à s'approprier le site, donc ils font des pistes, ils laissent beaucoup d'empreintes, de griffades au sol, sur l'argile, sur le calcaire. Oui, il y a des pistes pas mal dans Cussac. Et après, les hommes. Et donc, ces hommes sont un petit peu plus discrets que les ours par nature et donc laissent des traces un petit peu plus infimes qu'il faut aller chercher. Et voilà, ce type de site permet de comprendre la fréquentation d'une cavité aussi complexe que Cussac. Vous avez donc des pas, vous avez aussi des mouchages de torches. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de lampes à l'intérieur de Cussac. Les pas, mais aussi des glissades imprimées dans l'argile, peut-il raconter une histoire? Celle, bien entendu, d'une sorte d'instant. Oui, tout à fait. Il y a une préhistoire de l'instant. Alors, d'autres préhistoriens, en prenant la tradition d'un Fernand Braudel, ont parlé d'un temps court, d'un temps long, d'un temps intermédiaire. Donc, c'est ça que je pense qu'on peut décliner ces trois temps. Et le temps court, on l'a. L'instantané d'un passage. Lisiane Aloudou, qui a travaillé sur les empreintes, a pu identifier des empreintes de pas. Elle a pu décompter le nombre d'individus, en tout cas ceux ou celles qui ont laissé des empreintes dans Cussac. Effectivement, il y a des glissades, il y a des empreintes de doigts, il y a des empreintes de mains. Il n'y a pas énormément d'empreintes de pas. Elle a beaucoup travaillé là-dessus et elle a des résultats assez intéressants qu'on va publier prochainement sur les empreintes de pas dans Cussac. Oui, il y a de l'instantané. Il y a de l'instantané archéologique. Depuis 10 ans, vous vous êtes lancé dans l'étude donc de cette grotte Cussac. À l'image de la grotte Chauvet, vous y développez de nouvelles méthodologies, relevés microtopographiques, modélisation 3D, qui sont à la pointe de l'imagerie archéologique. Oui, c'est tout à fait indispensable. Une grotte comme ça ne peut pas s'étudier avec des méthodes classiques. Mais maintenant, toutes les équipes qui travaillent sur les grottes tournées, que ce soit à Chauvet ou sur des sanctuaires un petit peu plus modestes, utilisent la 3D, utilisent le scan 3D, utilisent la photogrammétrie pour avoir une résolution maximum sur les points d'intérêt archéologiques, utilisent le géomagnétisme pour identifier des traces de feu sous un niveau d'argile ou de sédimentation. On utilise également des méthodes pour comprendre le cheminement, l'éclairage, les qualités acoustiques de zones de la paroi qui auraient pu privilégier l'installation d'une paroi ornée, par exemple. Ça, c'est la thèse d'Armand Joutot. Oui, il y a un déploiement assez sophistiqué de méthodes, mais c'est un privilège, oui. Cette grotte est homogène, on l'a dit, et caractéristique d'une importante culture du paléolithique récent, le gravétien. Comment définiriez-vous cette entité culturelle qui est très très importante? Ah là, c'est une question de piège, hein, même pour un préhistorien, parce que le gravétien, bon d'abord c'est une durée de temps assez longue, hein, c'est à peu près entre 34 000 et 25 000 pour arrondir, hein, entre le présent, entre l'actuel. Et le gravétien est une culture qui est typiquement européenne, c'est-à-dire qu'on trouve du gravétien sur toute l'Europe, mais en fait il faudrait parler de gravétien au pluriel, parce que le gravétien du Portugal ou d'Italie n'est pas celui d'Europe centrale, et jusque dans la plaine russe, on a des formes contemporaines qui sont plus tout à fait du gravétien, mais qui présentent encore pas mal de points communs. Il y a quelques points communs qui sont, comment dire, qui fédèrent ce monde gravessien européen. L'un de ces points communs, très intéressant, très spectaculaire aussi, c'est la représentation de la femme, que ça soit sous forme pariétale ou d'art mobilier, de petites statuettes. Il y en a qui sont très connues, hein, l'Ocelle, Brassempouille, la Vénus de l'Espugue, les Vénus les statuettes de Grimaldi, puis celles d'Europe centrale, et jusque dans le fin fond de la Russie. On a quelque chose comme ça qui fédère une sorte de trajectoire gravessienne sur l'ensemble de l'Europe. Mais par contre, il peut y avoir des différences assez fortes au niveau de l'équipement technique, au niveau de la culture, au niveau de l'art pariétal aussi, qui est présent parfois et d'autres pas. C'est en fait une grande culture vraiment européenne. L'élément majeur de la grotte, c'est bien entendu son art, un art essentiellement gravé, Jacques Jobert. L'élément majeur, nos collègues anthropologues vont pas être très contents. En fait, il y a deux points forts qu'on peut difficilement hiérarchiser. Mais c'est vrai que l'art, Norbert Oujoula avait tendance à dire que Cusac était d'abord une grotte ornée. Et dans cette grotte ornée, on y avait déposé peut-être des squelettes. Mais oui, l'art, c'est très, très important à Cusac. D'abord par le nombre. Par le nombre, on a maintenant un inventaire qui commence à se caler avec Valérie Furglio et Camille Bourdier. On est à près de 1000 entités graphiques. Donc il y a plus d'un millier de motifs répartis sur presque 1 kilomètre de long côté amont et sur 400 mètres côté aval. Plusieurs dizaines de panneaux, avec des panneaux majeurs, des panneaux palimpsestes, où se concentrent beaucoup de ces gravures. Et puis on a des gravures ou des signes peints également, hein, qui s'échelonnent sur un très très long linéaire. Déjà par le nombre, Cusac est important. Après, il y a la qualité. Hein, la qualité du graphisme que Norbert Oujoula a très bien décrit dans des interviews juste après la découverte et sur lequel je peux revenir éventuellement. Justement, Jacques Jobert, en 2003, j'ai réalisé un reportage sur l'art de Cusac avec Norbert Oujoula, grand spécialiste de l'art paléolithique et notamment de Dordogne. On l'écoute au sommet du plateau surplombant la grotte. C'est une grotte dont une partie du registre offre des surfaces extrêmement favorables pour récupérer ce type d'informations avec un grain très fin, sans accident, sans relief, sans fissure et d'une qualité, disons, une caractéristique sur la dureté qui est suffisamment endurée pour conserver le signal paléolithique depuis 25 000 ans. Il n'a pas bougé, il est toujours là, il est intact et aussi suffisamment tendre pour autoriser une gravure à la main, c'est-à-dire au bout des doigts. Les quatre doigts de la main joints, on peut arriver à inciser la roche. Sur ce premier panneau, en fait, c'est le reflet de ce que l'on va retrouver un peu plus loin, c'est-à-dire que dans cette branche gauche de la galerie qui se poursuit sur 460 mètres environ, il y a une succession de panneaux, de concentration de figures qui présentent les mêmes animaux, le cheval, le bison, et quelquefois le mammouth, que l'on revoit dans une position secondaire, en nombre évidemment. Hein. Et ensuite, au fur et à mesure que l'on va s'enfoncer dans ce sanctuaire, les panneaux vont être d'importance de plus en plus grande pour arriver dans la partie médiane de la grotte, enfin du moins de cette cavité, la partie médiane, où nous arrivons sur le grand panneau qui va faire 15 mètres sur 6, quelque chose comme ça, qui est un des plus grands panneaux que nous connaissons dans ce contexte-là, pour ensuite aller décrescendo jusqu'à l'extrémité finale de la grotte. C'est à peu près comme ça que se répartissent les figures dans cette grotte, mais aussi que l'on voit aussi se développer les panneaux dans d'autres cavités. On voit toujours une approche allant croissant en ce qui concerne les manifestations graphiques, maximale dans la partie médiane, et petit à petit, en allant vers l'extrémité, on voit disparaître au fur et à mesure les figures, et arriver en revanche les animaux que l'on taxe d'agressifs, comme le félin, et on en a trouvé justement au fond de la grotte de Cusac. Une des représentations les plus grandes ferait à peu près 4 mètres de long. Ça a été fait d'un coup d'un seul. Bien, cette représentation que vous évoquez, c'est celle du bison, donc, et c'est vrai, comme vous le soulignez, la ligne dorsale du bison est faite d'une seule ligne. On dirait que l'artiste ou le façonnier s'est en quelque sorte promené devant sa paroi, le burin, entre guillemets, à la même, pour tracer sa ligne qui n'a aucun repentir, aucun défaut dans le tracé. C'est toujours d'un geste extrêmement sûr, car dans ce contexte-là, ils n'ont certainement pas droit à repentir, car chaque fois que l'on fait une erreur, que ce soit par gravure ou par peinture, c'est-à-dire par dépôt de pigment, on ne peut plus le gommer. Alors, il y a aussi quelques animaux, et ça je les avais vus lors de l'annonce de la découverte de la grotte de Cussac, qui se passait à la préfecture donc, de Périgueux, il y a quelques temps. J'avais vu une ou deux photos tout à fait extraordinaires, qui m'avaient beaucoup saisi, à savoir des représentations d'oies, c'est bien ça? Oui, il y en a trois dans cette grotte, ce qui est quand même un thème rarissime dans l'art pariétal, contrairement à l'art mobilier, on en trouve un peu plus. Pas plus souvent, mais c'est surtout à la fin du paléolithique supérieur. Là, il y en a trois, dont une qui est extraordinaire. C'est certainement la plus belle gravure de la grotte. Elle doit faire 1,50 m de développement. Et elle a la particularité de se trouver sous un encorbellement qui est à peu près à 1 mètre du sol, si bien qu'on est obligé de se glisser sous cette oie pour la voir dans sa totalité. Et lorsqu'on est dessous, elle vous recouvre littéralement de la morse de ses ailes et de sa tête qui vous regarde. C'est quand même un des grands moments, même avec des figures qui ne sont pas spectaculaires, mais c'est ça, c'est le caractère un peu intime de la grotte qui est révélé ici. Une autre aurait le cou tordu, comme elles le font de temps en temps pour passer la tête sous l'aile. Oui, absolument, oui, le geste est bien repéré là. Elle a le cou un peu tordu, comme si, oui, c'est exactement ça, mais elle a bénéficié aussi du retour de paroi qui accentue un petit peu ce mouvement, là, c'est particulier. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Et oui, Jacques Jobert, les chevaux ressemblent parfois à des élans. Les artistes n'ont pas hésité à prendre quelques libertés avec le réalisme. Oui, Cussac, Norbert l'évoquait. D'abord, c'est un régal d'écouter à nouveau Norbert Oujoula. Et ses propos sont incroyablement justes. Quand il décrit, c'est un beau témoignage. Voilà, quand il décrit l'oie, c'est tout à fait ça. Oui, il y a quelques libertés par rapport à certaines conventions. On reste quand même dans un graphisme qui est typique de ce qu'on appelle donc cette période du Gravettien et qu'on retrouve dans quelques grottes comme Pechmerle et surtout Gargasse d'ailleurs. Mais il y a quelques libertés par rapport à certaines conventions. Disons que le schéma Gravettien est complètement inscrit dans Cussac, mais il y a quelques spécificités propres au site. Regardons aussi le contexte de cet art. Il semble qu'il y ait des fortes analogies avec d'autres grottes, notamment Pechmerle dans le Quercy, grotte d'ailleurs que nous avons visitée ensemble, Jacques Jobert. Oui, c'est vrai, ça ne nous rajeunit pas, mais il y a beaucoup de points communs avec Pechmerle. L'un de ces points communs, c'est l'association, et Norbert l'avait noté et d'autres, hein, c'est l'association entre des représentations féminines et des mammouths. Et cette espèce de dualité, cette espèce d'association est assez étrange, se répète par trois fois au grand panneau, et parfois même on a une représentation féminine coincée entre deux mammouths. Et à Pechmerle, on a exactement le même phénomène au plafond des hiéroglyphes, et statistiquement, ça commence à se multiplier, cette espèce de répétition femme mammouth pour la noter. Après, il y a d'autres éléments, hein, dans la construction du grand panneau. Norbert avait noté, et Valérie Ferglio également, une construction qui pouvait évoquer la frise noire du Pechmerle. On a un tout petit peu nuancé certaines de nos premières hypothèses, mais voilà, il y a une espèce de construction qui est propre à Cussac. Ouais. Cussac est aussi un cas unique par la présence de squelettes. Jean-Michel Jeunesse évoquait la découverte de ces corps dans la grotte. On l'écoute un court instant. La plupart des archéologues qui sont rentrés en tant qu'experts au tout début pour regarder les œuvres d'art pariétal en premier lieu, se sont tous accordés pour dire « Oh, on est au début du paléolithique supérieur, on est quelque part dans le Gravettien, parce que ça ressemble à Gargasse, ça ressemble à Pechmerle, sites qui ont des dates autour de 25-27 000 ans. » Mais personne n'a jamais pensé qu'il pourrait s'agir de squelettes paléolithiques, et étant donné qu'on a plutôt ces comportements d'inhumation collective dans des sites proto-historiques, voire même du début de l'histoire, on envisageait tous quelques inhumations d'individus entre quelques siècles et quelques milliers d'années. La surprise a été grande lorsque les datations réalisées à partir de micro-prélèvements sur trois squelettes ont donné des dates qui sont respectivement de 25 220 plus ou moins 200, donc aux alentours de 25 000 ans, et une autre plus ancien que 20 000 ans. Simplement plus ancien parce qu'il n'y avait pas assez de collagène, mais le signal donnait une date plus ancienne. Donc on a bien des sépultures du milieu du paléolithique supérieur, donc qui correspondent à cette culture du Gravettien, et il y aurait donc une bonne concordance entre l'âge des squelettes et l'âge présumé ou stylistique des œuvres pariétales. C'est exceptionnel parce que c'est bien la première fois au monde que l'on trouve une cavité ornée avec des squelettes et que l'on peut supposer, à titre d'hypothèse à l'heure actuelle, qu'il y a un lien entre le dépôt des corps et l'ornementation. Et ça, c'est plus qu'une nouveauté. C'est une nouvelle perspective sur les possibilités d'interprétation d'un art pariétal qui serait lié à l'image de la mort ou au monde des morts, ou à un au-delà. Jacques Jobert, des squelettes donc tout à fait exceptionnels, le mieux conservé est dans une bouche d'ours, aurait été couché même sur le ventre. Il y a aussi des hommes, des femmes, des peut-être des enfants, quelquefois des éléments de, et non pas des corps entiers. Oui, alors on va faire un petit peu le tri dans tout ça. Il y a effectivement beaucoup de spécificités au dépôt des corps dans Cussac. D'abord, les anthropologues nous rappellent qu'il ne faut pas parler d'inhumation, mais de dépôt, dans la mesure où les corps n'ont pas été enterrés, n'ont pas été mis sous terre, ils ont juste été déposés dans des dépressions naturelles, donc ces fameuses bouches d'ours, tous. Hein. On a aucune inhumation. Ensuite, on a des pratiques qui sont très complexes. Et on a des regroupements de ces corps dans trois locus, locus 1, 2 et 3, tout simplement. Alors, ils sont quand même à des distances parfois assez impressionnantes, hein, puisque on est entre 115 mètres et 235 mètres de l'entrée. Il faut quand même trimballer des cadavres ou des corps ou des parties de corps sur une grande longueur. Après, c'est très complexe, hein, parce qu'on a eu des déplacements, on a des dépôts de crâne, puis des prélèvements. On le sait parce que certaines dents sont restées une fois qu'on a prélevé le crâne. Ça, c'est une hypothèse de Sébastien Villotte et Sacha Kaki, les anthropologues. On a des manipulations post-mortem. On a des dépôts secondaires qui sont amenés probablement dans la grotte après avoir été traités dans un autre lieu, et peut-être même à l'extérieur, et peut-être même dans des sacs. Tout ça, ce sont une série d'hypothèses qui nous montrent que les pratiques mortuaires et sépulcrales à Cussac sont à la fois très complexes et très diverses, et s'inscrivent dans un espace du sud-ouest de la France où on trouve ce genre de choses, mais de manière un petit peu moins spectaculaire, comme à Cro-Magnon ou à Pateau, par exemple. On a aussi des dépôts comme ça, un petit peu en surface des abris sous roches. Résumons l'histoire, Jacques Jobert. Des générations d'ours fréquentent la grotte jusqu'à 41 000 ans. Puis vers 31 500 ans exactement, des hommes y pénètrent. Après 28 000 ans, la grotte est fermée en attendant septembre 2000 et l'exploration de Marc Deluc. Jacques Jobert, merci beaucoup. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous publiez avec Valérie Ferruglio et Nathalie Fourmand et une trentaine de co-auteurs, Grotte de Cussac, moins 30 000, qui vient de paraître aux éditions Confluence. Saluons aussi la mémoire de Marc Deluc et de Norbert Oujoula, spéléologue et archéologue pionnier de la grotte de Cussac. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Élise Le et bien entendu avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture ou l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, place à la paléogénétique avec Ludovic Orlando.